بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الماضي أخذنا ماذا؟ الحروف الشمسية والقمرية نعم والتمر مربوطة يعني تاء تأنيث و on a dit qu'il y a deux parties on a pris une partie c'est تاء مربوطة نعم يعني يكتب يعني الوقف كيف يكون؟ ها ساكن وعند الوصل تاء متحرك مثل التاء المفتوح طيب ناخذ الجزء الثاني تاء التأنيث المفتوحة سوريكيوبا تاء عادي هي التي يوقف عليها بلفظها وتلحق الأسماء والأفعال والحروف donc ce تاء là contrairement au تاء مربوطة qui lui est خاص بالأسماء تاء مفتوحة نجدها في الأسماء الأفعال والحروف في الأسماء نحو أخت بنت أخوات بنات زهرات لا سي عادي فيني par un تاء on s'arrête dessus تاء sur le وقف et sur le وصف ça se prononce تاء ثانيا في الأفعال هي تاء تأنيث الساكنة المختصة بالفعل الماضي وتلحقه إذا كانت فاعله أو نائب فاعله مؤنثا هي تاء تأنيث هنا دي سي با ان ضمير سي ان حرف كي ديمونت كو لو فاعل سي مؤنث فاعل أو نائب فاعل مثل تعلمت هند اهتدت فاطمة فنعمة المرضعة وبئس الفاطمة تمام وادي تاء تأنيث من علامات ماذا؟ في الماضي في الماضي طيب والحروف ضل كيلو نتخوف في تاء هي أربعة لات ربت لعلت ثمت لات ستي دونك كيف نبقي لات؟ لا لا لات في الحروف اللي تعمل عمل ليس وقلنا لات وخاص بالحين نعم دونك لات وربت ولعلت وثمت تنبيه قال مبحث تأنيث مبحث سهل وخاصة إذا اعتبرت القاعدة العامة فيها وهي أن يوقف عليها بالسكون وإن نطقت هاء فهي مربوطة وإن نطقت تاء فهي مفتوحة والحمد لله كما قال فاسيل تعد دسو أن تاء تعد دسو أن ديزان هاء سيكسان تاء مربوطة تعد دسو ديزان تاء سيكسان تاء مفتوحة ومع ذلك فإن كثيرا من المبتدئين لا يستطيعون التمييز بين هاء والتاء في نحو تنبيه ومياه وساعات وقضاة فإنهم قد يقفون على هذه بالهاء أو بالتاء دون تمييز وإنما يدرك الطالب سهولة هذا المبحث بالممارسة وكثرة القراءة والكتابة والله الموفق والهادي لسواء السبيل فكو ديبي بوكو جون يكونفوند ils ne savent pas quand c'est un « ha » quand c'est un « ta » et « ha » y a-t-il une mémoire à ça, la pratique en lisant beaucoup, en écrivant beaucoup Inch'Allah ça vient « Ibarra » yani l'ilm al-nazari faqat ma'akfi le fait de faire une théorie comme on fait actuellement là tu vas comprendre « sahl » dans la pratique c'est à savoir en pratiquant t'as des gens « ma ta'ala mwadil kawa'id » ils connaissent tellement c'est un truc qui se répète ils savent tu le dis pourquoi je ne sais pas mais je sais que c'est comme ça mais je ne connais pas la règle mais je sais que c'est comme ça طيب ثم يقول علامات الترقيم كنا نقول البونكتواسيون وهذا من الاشياء ما تعتبر من تشبه بالكفار وانما من الاشياء يستعان بها على فهم النصوص اليوم انا تبقى كنا besoin à la base c'est pas un truc de la langue arabe en soi c'est un truc général ce sont les mêmes ponctuations qu'on trouve également dans souvent en français en anglais ou dans les autres langues bien que ça ne préserve pas les vies, c'est un peu comme le code de la route. C'est un truc qui va être universel. Dans tous les pays, on va utiliser certaines lois qui vont être communes. هذا نفس الشيء. معنى المقدار متقدمين ما كانوا يعرفون هذه الامور مش بس هذا موجودون في الايبوك on a un femme qui est kassir donc هذا مما يعيد على femme pour pas construire dans le texte c'est tout qu'il dit si le hajj jadid est venu on a besoin de ça pour pouvoir les repérer comment ça va-t-il قال علامات الترقيم donc les ponctuations علامات الترقيم هي إشارة حديثة تودع بين أجل الكلام المكتوب لبيانه والضبط معانيه أو لتحديد نبرة لهجته عند قراءة جهرة donc c'est les ponctuations pour te permettre de pouvoir cerner et pouvoir maîtriser la lecture وتفصيل وكل آتي donc là il va citer qui les ponctuations quelles sont-elles et c'est les mêmes en français tu les connais déjà pareil اولا الفاصله ce qu'on appelle la virgule تريدوا في المواضيع التاليه on voit quoi بين الجمل القصيره التي تكون جمله طويله مركبه complexe entre les phrases courtes نحو محمد رسول الله ثم فاصله خاتم النبيين فاصله وامام المرسلين ارسله الله رحمه للعالمين فاصله وشفيعا للموحدين tu vois une plein de phrases différentes Pour chacune, on met une virgule. Mubtada. Jumla mustanifa. Mustanifa, je dis là. Thaniyan, bayna anwa' al-shay wa aqsamihi. Entre différentes catégories d'une seule et même chose. Nahu, fusul al-sana, arba'atun. Al-rabi', al-sayf, al-khalif, al-shita. Donc là, on a mis une virgule entre chaque truc. Les saisons de l'année sont les quatre. Al-Rabi', le printemps, Al-Saif, l'été, Al-Khalif, l'automne, et Shita, l'hiver. Entre chaque, on met une virgule. Thalithan, ba'd al-munada, nahu, ya hadha, ittaqillah. Quand tu fais un nida, ya fulain, après tu fais une phrase derrière, tu mets une virgule, fasila. ثم قال ثانيا دونك لا بري لا فيغول فاصله الفاصله المنقوطه بو فيغول كما نقول في الفرنسا وتودع بين جملتين تكون احداهما سببا للاخرى والمنطق دو فراز لين دي فراز لا كوز دو لوتر نحو ضرب رجل ولده ثم فاصله منقوطه لانه كسول دونك لا لانه كسول سي كوا سون سا كوز Ou plutôt, Darabal Rajul Waladahu, c'est quoi la cause? Le Nau Kassoul. Thumma qala istamarra at-talibu fi ihmalihi wa kasalihi nukta mankouta fa darabahu walidu. Point virgule, donc son père l'a frappé. D'accord? Donc ça c'était point virgule. Thalithan, un nukta, le point. On appelle point final chez nous en français qu'on met à la fin d'une phrase. وتودعوا بعد نهاية الجملة التي تم معناها واستوفت كل مقومتها ومقومتها بحيث تلاحظ أن الجملة التالية تترك معنى جديدا غير الذي عرضته الجملة السابقة وخاصة في نهاية الفقرة. Donc là, c'est pour dire qu'une phrase elle est terminée qu'elle a pris tout ce qu'elle avait à apprendre comme sens et tout. C'est ça la différence avec la virgule. La virgule, c'est une nouvelle citation d'une même phrase. Là, c'est une phrase totale. Elle a tout dit, tout était dit, point. T'en viens avec une nouvelle, de Dida. Nahu, qala Ali ibn Abi Talib, noctatan, awwal iwad al-halim an hilmihi an an-nas ansaruhu. Point. Là, elle a tout dit dans la phrase. ثم قال هو حد الحلم ضبط النفس النفسي عند هيجان الغضب point واجباب الحلم البعيثة على الضبط النفس النفس كثيرة لا تعجز المرأة نقطة point كلها جمل مستقلة أظن أن يشكون une phrase qui dit ce qu'elle a dit donc ça c'était Nokta, qu'on appelle le point, point final. Summa et Noktaten, les deux points. وتوضع عن بعض القول او لشرح لفظ او بعض كلمات نحو ومثل طيب on met ces deux points après une parole ou pour expliquer une parole ou après le mot quand on dit par exemple نحو ومثل en arabe qu'on traduirait par exemple بعدahu on met ماذا deux points pour ce qui va suivre نحو قال النبي صلى الله عليه وسلم deux points ثم تذكر الحديث لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب نقطة point final تمام ونحو نقطتان ليل قائم أي شديد السواد on a mis quoi deux points خامساً الحظ علامة الحظ بس كم يتخب تيبو ان فيت وديك نشوز ايتا انلوي وديك نشوز ايتا انلوي ويؤتى بها ليدل على كلام محذوف من نص لا يريد الكاتب ذكره وديك نبار ايتا انلوي يكون ببالا سيتي نحو قال الزهري رحمه الله تعالى لو نكوى وقعد أفكر قال الزهري دو بوان التمسك بسنة نجاه Est-ce qu'on a après ? Facile, la virgule. « وَالْعِلْمُ يُقْبَدُ قَبْدًا سَلِيعًا » Après, il y a quoi ? Trois petits points. Pour dire ce qu'il y a par la suite, il y a une suite, mais il ne veut pas la prononcer. « وَيَكْتَفِ بِشَاهِدْ » Ce qui l'intéresse, c'est dire ce qu'il vient de dire là maintenant. Pour dire qu'il y a une suite, mais il ne la dira pas. Donc ces trois points citent quoi ? Une parole qui est une parole existante, mais qui n'est pas citée. « سَادِسًا الْكُوسَان » qu'on appelle les parenthèses. يُوْدَعُ بَيْنَهُمَا الْكَلَامِ الْمُرَادُ تَنْبِيعِ الْقَارِي إِلَى أَهْمِيَتِهِ أَوْ لِتَنْبِيعَ عَلَيْهِ فِي الْحَاشِيَا بِأَمْلٍ مَا أَوْ لِذَمْ رَقْمْ نَحُو أُنْذُرْ خَمْسِينَ الْكِتَابِ كَذَا وَكَذَا Donc, comme on dit entre parenthèses, c'est les mêmes fonctions. Pour mettre une chose en attention, une précision. Ou alors, comme là on cite, quand des gens ils font un bahf, ils veulent citer la référence, ils te disent le numéro de la page, مثلاً, ou كذا, entre parenthèses. سابعاً, علامات التمسيس, ce qu'on appelle les guillemets. Entre guillemets. لها عدة استخدامات, والمعمول به الآن في الكتب أنها تستخدم لتمييز قول النبي صلى الله عليه وسلم عن قول غيره. Elles ont plein de l'utilisation, et là, ce qui est connu à notre époque, chez les Arabes, c'est pour différencier le col du Nabi sallallahu alayhi wa sallam d'autre que lui. Parce que tu as un hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatakallam tajal bina kousayn hata tumayith bina kalami wa kalam arawi mafalan. Nihu kala le Nabi sallallahu alayhi wa sallam khalas, deux points parce qu'on a un col, ensuite maada alamat tamsis et guillemets ad-dinu nasiha, après on ferme les guillemets. قلنا لمن regarde bien قلنا لمن il n'y a pas de guillemets car c'est pas lui qui parle قال يعني guillemets لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم là on ferme les guillemets et كذلك نقطة point final ثامنا القوسان مزرهان المزرهان et ça ce sont les guillemets lunaires un peu qu'on la forme d'un croissant qu'on utilise خاصة بماذا آيات القرآنية pour les versets du Coran توضع بينها بينهما الآيات الكريمة بالقرآن الكريم نحوك الله تعالى وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عُدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Donc là, l'ayat, najaluha, entre ces deux formes de parenthèses qui sont spécifiques au Coran. Et ça, on a chez les Arabes et chez les musulmans. ثُمَّ قَالَ en shorta, je pense qu'on dit shorta, c'est tiré. تُدَعُوا بِنَ الْعَدَدْ وَالْمَعْدُودْ que l'on met entre le nombre et le dénombré. On appelle le tiret. La salaine, il y a quoi ? Aksam le kalem salafa. اولا مثلا الاسم donc tu vas mettre quoi واحد après tiret ثانيا الفعل tu vas mettre le numéro 2 après tiret ثالثا tiret et الحرف ثم قال شرطتان دو تيره دو تيره ويوضع بينهما الكلام المعترض نحو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء يتحنث فيه والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد donc entre les deux tirets c'est pour préciser une chose ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام احيانا قد يكون ليس من الصحابي يكون من الراوي qui يفسر كلام الصحابي يفسر كلام الصحابي pour dire telle chose veut dire telle chose donc nous quand on écrit on met entre les deux tirets انظر ce n'est pas cette ponctuation là aujourd'hui on te met ça comme ça tu vas savoir que c'est pas le kalam du sahabi, tu pourras pas le savoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ces choses-là, elles servent. Fi zamanina hadha nahtaju ilayha. طيب, hadi ashar, alamat istifham, le point d'interrogation. Wa tudau ba'd istifham nahu, kayfa anta ya akhi, point d'interrogation, après une question. Thani ashar, alamat ta'athur, ce qu'on appelle point d'exclamation en français. وتودع بالتعجب après l'exclamation ou استنكار une chose que tu blâmerais ou حزن une tristesse ou فرح ou une joie وغير ذلك نحو مثلا ما اعظم هذا الكون là c'est quoi تعجب tu es impressionné par la création d'Allah عز وجل donc là dans l'écriture tu mets point d'exclamation هاجر زيد اخاه لغير سبب شرعي là tu تستنكر ذلك تتعجب وتستنكر ذلك pourquoi il le fait le hajj sans cause légiférée wa asfah تتعجب من ذلك كذلك wa farahta là c'est le farah là c'est dans le bab al-mandoub tu l'as pas pris tu rentres dans le bab al-munada comme tu dis مثلا wa batna استمر وضوء ça c'est des ahkam on n'a pas précisé dans quand on nada inchallah ou dans kitab salis kutub al-madina tajidu c'est dans les ahkam de munada donc ça c'est l'exclamation salis ashar aramat al-istifham inkari pour une question en guise de réprimande chose que tu réprimandes donc tu mets quoi point d'interrogation et barda hada point d'exclamation وتوضع بعض كلام جمع فيه بين الاستفهام والتعجب والانكار نحو اتكفر بالله وهو خلقك ها اتكفر بالله وهو خلقك donc là تتعجب من هذا comment tu me crois que Allah t'a créé un c'est une question alors tu veux pas de réponse ثانيا تتعجب من ذلك parce que c'est vraiment une chose qui est hallucinante وثالثا tu blâmes la chose donc là tu mets quoi علامه الاستفهام وعلامه التاثر التعجب رابع عشر الكوسان المعكوفان ce qu'on appelle les crochets en français les crochets هذه العلامات تستخدم لتمييز الكلام الذي هو ليس من اصل الكتاب d'accord c'est pour mettre une précision d'un kalam qui n'est pas dans l'os d'un livre ça c'est quand les gens ils font un tahqiq d'un kitab tu vas avoir des fois ils font un tahqiq et ils te mettent un montre crochet pour te dire à la base ce mot là n'est pas dans le manuscrit dans le bartout On l'a trouvé dans un autre livre. Là, tu vas trouver ça, comme je dis, dans les tahqiqat. Bel utrila fihi. C'est une chose qui a été achetée dans le livre, qui ne fait pas partie à la base. Iman le tawdih ma'na, soit pour éclaircir un sens, ou ikmel sakat hasala le mu'allif, ou pour compléter des choses, que par exemple, le mu'allif, dans un livre, il n'a pas écrit. Toi, tu veux le rajouter. Mais tu veux faire comprendre que ce jour-là, on en a besoin, mais en même temps, ce n'est pas le mu'allif qui l'a mis, c'est toi qui l'a rajouté. Donc, tu mets entre quoi? Entre crochets. أو غزو آية ou pour attribuer un verset. Hatta yu'lamu annahu min idraj al-muhaqqiq. Tout ça pour savoir que c'est une chose que c'est le muhaqqiq qui l'a rajouté. Mais ce n'est pas de la base du livre. Khamis Achar, aramat al-faqra. Ce qu'on appelle le paragraphe. Wa yatark masafa qabl kull faqra jadida. Un nouveau paragraphe. Tu laisses un espace, on va dire que tu passes à autre chose, un nouveau paragraphe. Donc quand tu vois les mu'allafat des mutakaddimin, il y a rien de tout ça. C'est tout ma'abad, tout en bloc. Il n'y a même pas de nokta. Il n'y a pas de point sur les qaf, ni sur le fait, ni sur le kha, ni sur le jim. Il n'y a rien de tout ça, c'est tout en bloc. Aujourd'hui, on est des du'afa, des masakin. Nartaj il est dhalik. C'est des moyens, c'est des outils. Fahim ta'ala? Donc là, bifad Allah ta'ala, kamelna adi risala al-mukhtasara, fi ahkam al-imla. فأقول فإن أخطأت فمن نفسي من الشيطان ومن أصبت فمن الله فنكتفي بها هذا القدر ونسأل الله يوفق فيما قرأنا وما سمعنا وما استفدنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك